Chapitre 10. Eléar Ilmor-Yenval était une dessinatrice d'une rare intelligence, mais son insatiable ambition mina son sens de la réflexion. Comment expliquer sinon qu'elle se soit fourvoyée avec les Tzlich qui visaient l'extermination des humains et avec les mercenaires du chaos dont les desseins étaient encore plus sombres? Elle voulait les manipuler. Elle ne fut qu'un pion pour eux. Doomfil Batis, chroniqueur de l'Empire. Les retrouvailles se tintèrent d'une rare allégresse. Dès leur retour à l'auberge, Salim vêtu d'une simple couverture nouée autour des reins, Camille réveilla toute la compagnie. La tenancière qui s'était levée pour connaître l'origine de ce vacarme fut sommée par Maître Douhomme de préparer un petit déjeuner de fête auquel Bjorn et Maniel lui demandèrent d'ajouter de la bière, de la viande et de la charcuterie. Éberluée, elle obtempéra sans protester. Et ils se retrouvèrent bientôt attablés dans la grande salle commune, devant un plantureux repas. Salim, qui avait pris le temps de passer des vêtements, était au centre des réjouissances. Il parla longuement de sa mésaventure, même si la plupart de ses souvenirs étaient flous, comme provenant d'un rêve. Sa part d'humanité, engloutie par un flot de sensations animales, avait été incapable de résister à la transformation. Elle s'était dissoute dans l'esprit du loup. Il n'avait pas assisté à ses aventures comme un spectateur impuissant. Il les avait vécues intégralement et tenta de les raconter avec des mots qui n'étaient pas faits pour cela. « C'est difficile à exprimer, » conclut-il. « J'étais moi sans être moi, tout en étant un loup qui était un humain, vous comprenez ?» Bjorn posa la chope de bière qu'il venait de vider d'un trait. « Bien sûr !» énonça-t-il simplement. Salim le regarda stupéfait. « Tu comprends ? Tu comprends ce que j'ai pu ressentir ?» Le chevalier ouvrit de grands yeux ronds. « Pas du tout, » rectifia-t-il. « Cette histoire me dépasse. »« Mais tu as dit bien sûr. »« Une simple manière de parler, rien d'autre. » le renseigna Bjorn, surpris par sa véhémence. « Je vois, d'un côté ça me rassure. J'ai eu peur qu'on t'ait métamorphosé durant mon absence. » Salim éclata de rire, mais Elana, qui l'observait depuis son retour, comprit que l'expérience l'avait profondément marqué. Il avait changé. Son esprit désormais indissociablement lié à celui du loup. Il répondit aux questions de Maître Douhomme, dévoré par la curiosité. Oui, il pouvait se transformer à volonté. Non, il ne ferait pas de démonstration. Devenir un loup était une expérience trop forte pour la renouveler sans raison. La conversation bascula ensuite sur les événements de la nuit, et les compagnons redevinrent graves. Pourquoi l'empereur ne liquide-t-il pas une bonne fois pour toutes ces maudits mercenaires ? S'insurgea Mathieu en tapant du poing sur la table. « Parce que nous ne savons où frapper, » expliqua Edwin. « Il se peut qu'ils soient disséminés au travers de l'Empire comme une guilde, ou qu'ils aient leur propre cité en Gwendalavir ou ailleurs. Nul ne sait rien sur eux. Mais s'ils le pouvaient, Silafian s'empresserait de se débarrasser de ce fléau, crois-moi. » Elana interpella Camille. « Et tu dis que ce mercenaire a été envoyé par quelqu'un qui veut te tuer ?» C'est ce qu'il a laissé entendre, confirma Camille. Éléar Ilmor-Yenval, s'exclama Maître Douhomme. Ce ne peut être qu'elle. Salim regarda l'analyste en penchant légèrement la tête sur le côté, et tout à coup, Camille lui trouva une extraordinaire ressemblance avec le loup qu'il avait suivi pendant presque 15 jours. Bien entendu, lança-t-il. Nous savons depuis longtemps qu'elle est dangereuse. Il faut lui régler son compte, définitivement. Il avait articulé ces mots avec force, et Camille sursauta. Pendant une fraction de seconde, elle avait vu briller des crocs dans la bouche de son amie.